L'ORTF et la Comédie-Française vous invitent à écouter, sous la direction artistique de Jacques Régnier, Le Rubicon d'Édouard Bourdet. Cette pièce aura pour interprètes messieurs Jacques Toja, Georges, Bernard Dérand, François Mareuil, Alain Feydeau, Jacques Sinclair, Marcel Tristany, Émile, le valet de chambre, Jean-Paul Moulineau, monsieur Sevin, Louis Arbessier, le monsieur, Raymond Acquaviva, le récitant, Philippe Rondest, le metteur en scène, Jérôme Deschamps, Fréjus, et mademoiselle Claude Winter, Germaine, Catherine Samy, Élise, la femme de chambre, Françoise Seigné, madame Sevin, Paul Noël, Yvonne Sinclair, Françoise Canel, la douairière. Formant cabinet de travail dans un appartement à Paris. Le fond de la pièce est occupé par une baie vitrée donnant sur un grand salon. Un divan avec coussin, un bureau, fauteuil, chaise, etc. Bonjour, ma bonne Élise. Ma fille est là? Ah oui, madame. Madame n'est pas sortie ce matin. Voulez-vous aller lui dire que je suis là? Bien, madame. Élise. Dites-moi... Toujours rien de nouveau? Oh, non, madame, absolument rien. Désolant, c'est désolant. Ce n'est pourtant pas que monsieur n'ait pas eu de patience. Hier encore, il a dit à madame, pendant le dîner, que le divan de son cabinet était tellement dur qu'il ne pouvait pas dormir. Pauvre garçon. Madame a répondu que si monsieur voulait coucher dans la chambre, elle coucherait sur le divan et qu'elle était sûre d'y dormir, elle. Mente. Monsieur a dit qu'il ne manquait pas d'autre lit à Paris, madame s'est mise à rire, et monsieur est parti en jetant sa serviette. Madame a haussé les épaules et est partie aussi. Alors, dame, Émile a remporté le gigot. Ça fait qu'on le servira froid ce matin. C'est comme ça tous les jours depuis que monsieur et madame sont revenus de leur voyage de noces. Oh, voulez-vous prévenir madame de ma visite? Oui, madame. Madame? Madame? C'est madame Sylvain. Comment, c'est toi déjà, maman? Comme tu es matinale. Comment matinale? Il est 11h30. C'est toi qui es paresseuse. Oh non, pas paresseuse, mais je n'ai à moi que mes matinées. Georges part toujours de bonne heure. De 9h à midi, j'ai la paix, j'en profite. Je m'imagine que je suis encore une petite fille libre, insouciante, heureuse. Germaine, tu devrais avoir honte. Tu nous fais, à ton père et à moi, beaucoup de peine. Comment va-t-il, ce cher père? Il irait bien s'il n'était comme moi, constamment préoccupé de la façon dont va ton ménage. Oh, vous avez bien tort. Comment nous avons bien tort? Vous avez tort de vous en préoccuper. Est-ce que je me préoccupe, moi? Mais enfin, as-tu réfléchi à ce que ton entêtement a d'inexplicable et aux conséquences qu'il peut entraîner? Quelles conséquences? Ton mari ne va pas rester éternellement dans une expectative plutôt énervante. Devant ton refus systématique, il va prendre une décision et... Et une maîtresse? Oh non, maman, non, hélas. Je n'aurai pas cette chance. Il m'aime. Non, réfléchis un peu. Comment, après une carrière de jeune fille où tu fus adulée, choyée, courtisée, où tant de parties s'offrirent à toi, que tu refusais sans nous donner à ton père et à moi d'autres explications que cette phrase « Je ne veux pas me marier ». Tout à coup, sans crier gare, tu choisis parmi tous les prétendants le moins en vue, le plus humble, celui qui t'offrait peut-être le moins d'avantages apparents. Oui, c'est juste. Je me hâte d'ajouter que nous avons découvert chez lui par la suite les qualités sérieuses, durables, qui ne frappent pas au premier abord, mais qui sont les plus sûres garanties de bonheur. Ton père et moi t'avions laissé libre de choisir qui te plairait. Tu choisis Georges, tu l'épouses, vous partez, et en rentrant de votre voyage de noces, tu me dis tranquillement, sans paraître attaché à cela aucune importance, en riant presque. Tu sais, maman, mon mari, eh bien, il n'est pas mon mari. J'ai pas pu. Enfin, ma pauvre enfant, si toutes les femmes raisonnaient comme toi, si on ne se forçait pas à ce moment-là à faire comme tout le monde, ce serait la fin du monde. Au fond, c'est de ta faute. Comment de ma faute? Ben oui. Si j'avais su à quoi je m'engageais en me mariant, eh bien, je n'aurais jamais épousé Georges. Mais je t'avais prévenu. Oh. Ah oui, tu m'avais dit la veille de la cérémonie. Ma chérie, vois-tu, les débuts du mariage sont quelquefois pénibles. Il faudra être très courageuse, très docile et accorder à ton mari ce qu'il te demandera. Tout ce qu'il te demandera. Parfaitement. J'ai même ajouté, quelque surprenante que ces prétentions puissent te paraître, eh bien, cela ne suffisait pas. Il me semble qu'après cela, tu devais être prête à tous les étonnements. Mais tu trouves que j'étais renseignée? Je savais que je devais m'attendre à tout. Ça m'avançait bien. J'ai fait toutes les suppositions, toutes. Sauf la bonne, bien entendu. Ton petit speech avait servi à m'inquiéter, mais nullement à me préparer, je t'assure. Je suis stupéfaite, mon enfant. Je croyais, nous croyons, ton père et moi, après certaines allusions que nous t'avions entendues prononcer, après certains sourires que tu n'avais pu réprimer, que tu étais plutôt trop... enfin, instruite pour une jeune fille de ton âge. Qu'insuffisamment. Si tu savais, maman, ce que les sourires discrets, les allusions subtiles des jeunes filles de mon âge cachent d'innocence et de naïveté. On prend le parti de sourire finement à des plaisanteries dont on ne comprend pas le premier mot. On parle d'un air entendu de choses qu'on connaît vaguement, très vaguement, et sur lesquelles on serait incapable, mis au pied du mur, de formuler un avis précis. On est en fin de compte une petite fille très pure, que la révélation de la vérité stupéfie. Eh bien, j'ai été stupéfiée. Tellement que je n'ai d'abord pas pu croire à ce que Georges essayait de m'expliquer. Et puis quand j'ai compris qu'il n'exagérait pas, alors j'ai été révoltée, je t'ai maudite, oui, de ne pas m'avoir crié gare. Mais enfin, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je ne pouvais pourtant pas te mettre les points sur les i. Mais pourquoi pas? Tu ne me feras pas croire, mon enfant, que tu n'avais aucun soupçon. Enfin, tu devais bien te rendre compte que la vie de femme mariée comporte un changement. Eh bien, c'est pas un changement de partir toute seule avec son mari? De quitter ses habitudes, ses parents, ses amis, d'habiter dans une autre maison, de se torturer l'esprit tous les matins pour commander les repas, de vivre au milieu de meubles nouveaux, de se sentir enfin déraciné, transplanté, désorienté. Est-ce que ce n'est pas un changement? Je trouve ça suffisant, moi, à compenser l'avantage d'être casée, de s'appeler madame et de sortir seule. Et suffisant aussi à expliquer l'appréhension secrète qu'évoque la pensée du mariage chez toutes les jeunes filles. Ma pauvre enfant, cette appréhension disparaît, je t'assure, quand on aime son mari. C'est possible. Oui, il me semble parfois qu'avec un autre, ça aurait été plus facile. Un autre? Quel autre? Un autre que j'aurais aimé. Tu n'aimes donc pas Georges? Pas à ce point-là, non. Mais qu'est-ce que tu en sais? Puisque tu n'as jamais essayé. L'appétit vient en mangeant. Seulement, il faut avoir le courage de se mettre à table. Ce courage-là me manque. Je t'en conjure, fais un effort. Tu te fais un monde de ce qui n'est en somme que bien peu de choses. La première fois, on le fait pour son mari. Ensuite, on continue pour soi, croisant mon expérience. Et puis lui, Georges, comment prend-il ça? Car enfin, il ne t'avait pas épousée seulement pour rire. Il a été assez surpris de mon innocence. Et puis il a insisté pour en finir tout de suite. Je me suis emportée, je lui ai dit que jamais je ne serais à lui comme il l'entendait. Non, tiens. Depuis, j'ai essayé de me résigner. J'ai pris de bonnes résolutions, je me suis promis de tenter une nouvelle expérience. Et puis j'ai rien tenté du tout. Qu'est-ce que tu veux, maman? Je peux pas. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Genre, j'avais bien besoin de t'expliquer avant ce qu'il allait faire. Ah, comment, maman? Mais je me serais bien aperçue. Quand tu te serais aperçue, mon enfant, il aurait été trop tard. Et ça aurait autrement mieux valu. Tandis qu'à présent... À présent? À présent, tu sais exactement la nature de ses revendications. Tu es bien mieux armée pour te défendre. Alors, l'escamotage, quoi. Mais merci bien. Tu te trompes, maman. Il aurait peut-être réussi une fois, pas deux, je te jure. On dit ça? Tiens, le voilà, ton gendre. Bonjour, mon cher Georges. Ma chère belle-mère. D'où venez-vous, si je ne suis pas indiscrète? Nullement, je viens de chez mon avoué. Oh, non, t'inquiète pas, maman. Il me l'a fait tous les jours. Il vient simplement de faire un tour au bois. Je ne comprends pas comment ton père n'est pas là. Il devait passer ici avant le déjeuner. Oh, le voilà. Je vais au-devant de lui. Toujours de même, mon pauvre Georges? Toujours de même quoi, ma chère belle-mère? Enfin, avec Germaine. Ben, vous voyez. Il y a de la patience encore. Nous en aurons raison. Merci pour votre collaboration. Mais je doute qu'en l'espèce, elle puisse m'être d'aucune utilité. Bonjour, Georges. Mon cher beau-père, Comment cela va-t-il? Très bien, je vous remercie. Et le ménage? Le ménage? Mais quel ménage? Mais le vôtre, naturellement. Eh bien, mais ça va. Ça va. Ah non, tant mieux. Je vous avais apporté au cas... enfin, où vous auriez eu envie de sortir ce soir, une loge pour les nouveautés. Je ne peux pas l'utiliser moi-même. J'ai pensé à vous la proposer. Vous savez, le théâtre, et puis après, le souper, le champagne, les tzigas. Vous êtes trop bon, mon cher beau-père. Ouais. Décidément trop bon. Mais ce soir, j'ai rendez-vous au cercle avec quelques amis. Ah, eh bien, en ce cas... Eh bien, mes enfants, nous vous quittons. J'étais entré un instant en passant pour chercher votre mère. Nous nous sauvons. Au revoir. Au revoir, madame. Est-ce qu'il est absolument nécessaire que vos parents soient au courant de la vie privée de notre ménage? Vous pensez bien que ce n'est pas par moi qu'ils savent. C'est moi, je ne peux pas empêcher les domestiques de parler. Ah bon, les domestiques aussi, à présent. Dame. Ah, c'est complet. Je n'avais pas pensé à cela. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Oh, rien, rien, évidemment. Mais enfin, pourquoi m'avez-vous épousé? Pourquoi m'avez-vous demandé? C'est votre faute. Mais comment, pourquoi? C'était mon droit. C'est le droit de n'importe qui de prétendre à la main d'une jeune fille. Seulement, ce n'est pas son droit à elle de laisser un honnête homme lui donner son nom, lui consacrer sa vie sans rien rendre en échange. Je ne vous ai jamais dit en vous accordant ma main que je vous accordais encore autre chose. Mais ça va de soi. Ah, vous trouvez? Moi pas. Germaine, je vous préviens que ma patience aura des limites. Oh, voyons. Quelles limites? Non, c'est ça. Moquez-vous de moi. Riez, abusez de mon amour qui me rend idiot, gâteux, au point que j'en perds tout respect de moi-même. Quand vos yeux se font un peu plus affectueux, ou seulement un tout petit peu moins durs, je sais plus ce que je dis, je deviens fou, j'oublie tout le reste. Germaine, je vois le tout que vous voulez faire prendre à la conversation. Ah, Georges, je vous en prie, ne me regardez pas comme ça, ça vous va pas. Allez, tenez, tournez-moi le dos et racontez quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Dites-moi ce que vous avez fait, qui vous avez vu ce matin, en dehors de votre avoué. J'ai rencontré votre ami Mareille. François? Mais vous ne me dites pas ça, mais racontez donc, comment va-t-il? Je ne croyais pas à Paris. Je suppose qu'il y est, puisque je l'ai rencontré. Et c'est tout? Vous ne lui avez pas dit de venir me voir? Non, sûrement. Ça vous est bien égal que je ne vois personne, que je vive comme une carmélite entre ces quatre murs, sans distraction, sans amis, pendant que vous êtes à votre bureau. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que je pouvais bien faire toute seule. Je me le suis peut-être demandé, mais je ne voulais pas demander. Voilà la différence. Vous pourrez d'ailleurs prier vous-même, Monsieur Mareuil, de venir vous voir, car il vient déjeuner. Vous l'avez invité? Oh, ça c'est gentil. Tenez, embrassez-moi pour la peine. Ah, où ça? Comment où ça? Mais sur le front, naturellement. Où avez-vous vu qu'on embrassait sa femme autrement? Enfin... Georges, voyons, laissez-moi. François Mareuil va arriver, je ne serai pas prête. Tenez, c'est lui. Oh, recevez-le en m'attendant et soyez aimable. C'est un vieil ami que j'aime beaucoup. Recevons le vieil ami. Rebonjour. Comment allez-vous? Asseyez-vous. Ma femme achève de s'apprêter, elle sera là dans un moment. Elle a été ravie à la pensée de vous retrouver. C'est moi qui suis enchanté. Sans l'heureux hasard qui m'a fait vous rencontrer ce matin, et sans votre cordiale invitation, je n'aurais pas osé de sitôt venir troubler l'intimité d'un ménage si fraîchement marié. Oh, l'intimité d'un ménage, si grande soit-elle, ne paie rien à être interrompue quelques instants par la visite d'un ami. Au contraire. Et vous êtes, je le sais, un ami, un très vieil ami de ma femme. Je crois bien, nous avons presque été élevés ensemble. Oui, oui, c'est ce qu'elle m'a raconté. Vous êtes toujours très occupé? Épouvantablement. Mais au point que je ne sais où donner de la tête. Je n'ai pas une minute à moi. Ainsi, ce matin, quand j'ai eu le plaisir de vous rencontrer, je sortais de chez un costumier, je courais chez un autre. Cet après-midi, je répète à 3 heures chez la duchesse de Monsimiez, à 5 chez Madame de Ribaud, et à 9 heures, je joue chez Henri Fréjus. Une petite pièce qu'il a faite pour moi. C'est ainsi tous les jours. C'est ratant. Je le conçois. Mais les succès mérités que vous remportez sont bien une compensation... du mal que vous vous donnez. Sans doute, mais les gens du monde sont si peu expansifs. Et puis, on se blase sur tout, même sur le succès. Vraiment? Ah oui, oui, non, je vous assure. Il y a des moments où je me sens là, terriblement là. Et puis, on est pris dans un engrenage, on ne peut plus reculer, alors on va. Évidemment. Je souhaiterais bien souvent m'exiler pour quelque temps dans un coin paisible où je trouverais le calme, l'oubli de mes préoccupations constantes. Malheureusement, mon métier ne comporte pas de vacances. Comme tous les métiers qui touchent à l'art. Voici ma femme. Bonjour. Comment allez-vous, madame? Comment, madame? Vous avez déjà oublié que je m'appelais Germaine? Non, pas. Ah, je vous autorise à m'appeler par mon petit nom, comme autrefois, des amis d'enfance, voyons. Oh, ça serait stupide, n'est-ce pas, Georges? Vous avez raison, ce serait stupide. Vous savez qu'il faut que je vous gronde. Moi? Oui, vous. Vous ne supposez pas que je n'ai pas remarqué votre absence à notre mariage? Je guettais le défilé des indifférents, regardant sans cesse les nouveaux arrivants, me disant à chaque nouvelle silhouette, est-ce lui, cette fois, va-t-il arriver? Et puis les derniers figurants ont passé, vous n'êtes pas venu. Mais je vous ai télégraphié. Oh, oui, oui, évidemment, des vœux. C'était pas ça que je voulais. Et comme excuse, je ne sais quelle prétendue maladie. Non, la plus stupide, la plus malencontreuse des crises de rhumatisme qui m'a cloué sur mon lit. On vous a décloué à temps pour que vous puissiez jouer le lendemain chez Madame Atkinson. Je n'ai pas pu me dégager. Mais quel réquisitoire! Nous avons beaucoup regretté votre absence, en tout cas. Enfin, vous êtes grondé, ça suffit. Et dites-moi, François, vous êtes toujours le roi de tous les bals, le prince de tout l'été, le héros de toutes les revues, le... Non, vous allez me faire rougir. Non, je vous assure, je sors à peine. Non. Mais sérieusement, je joue par-ci, par-là, quand je ne peux plus refuser, mais le reste du temps, je travaille chez moi. Vous travaillez? Oui, la préparation de mes conférences. Quelles conférences? Ah, vous ne... Vous savez pas. Nous arrivons de voyage et sommes peu au courant des événements parisiens. Oui, Madame de Ribaud m'a demandé de faire chez elle, dans l'intimité, un cours sur le théâtre de salon. Je donne quelques aperçus sur la mise en scène, quelques préceptes de déclamation, des conseils sur l'art de se grimer. Il y a pas mal de monde. Oh, mais il faut que je suive votre cours. C'est très intéressant, n'est-ce pas, Georges? Certes, je vous félicite de votre idée. Ah, mais ce n'est pas moi. Non, c'est Madame de Ribaud qui en a eu l'initiative. On s'est seulement adressé à moi. Et votre compétence faisait de vous le titulaire tout indiqué de cette nouvelle chaire. Ah, vous êtes trop aimable. Mais nous avons pensé, en effet, faciliter ainsi un certain nombre de jeunes gens, de jeunes filles, les débuts dans l'art théâtral. Nous voudrions ainsi préparer, jeter les bases d'une sorte d'académie privée où les talents naissants trouveraient les adjuvants théoriques et pratiques nécessaires à leur perfectionnement. Nous espérons former ainsi des interprètes mieux instruits à la comédie de salon et vulgariser en même temps ce genre encore trop peu répandu. Une succursale du conservatoire à l'usage des gens du monde. Si vous voulez. Mais c'est une idée remarquable qui marque une phase nouvelle dans l'évolution de la société. Enfin, bref, tout cela me prend beaucoup de temps et je suis obligé de restreindre mes autres occupations. Alors les cotillons? Vous conduisez tout de même les cotillons? Je me dérobe autant que je peux. Quand cela m'est tout à fait impossible de refuser, j'accepte en principe. Et puis au dernier moment, je m'excuse auprès de la maîtresse de maison en lui proposant pour me remplacer un de mes amis à qui j'ai donné ma méthode et qui conduit exactement comme je le ferai. J'ai deux ou trois camarades qui me rendent ce service. Des doublures? Oh, c'est exagéré. Enfin, que voulez-vous, je ne peux pas tout faire. Certes. Eh bien, je vous laisse un instant, deux lettres à écrire avant déjeuner. Vous m'excusez? Je vous en prie. Dites-moi, François, combien de malheureuses avez-vous fait depuis que je vous ai perdu de vue? De malheureuses? Dame, à moins que vous n'ayez fait que des heureuses. Ni heureuses, ni malheureuses, non, je vous le répète, j'ai travaillé. Oh, je ne vous connaissais pas de mœurs aussi austères, François. Il est possible que je me sois modifié. Et à quoi doit-on pareil changement de caractère? Sait-on jamais. À vos rhumatismes, peut-être? Justement, vous l'avez dit. Oh. Ça va mieux au moins à présent, vous êtes guéri. J'étais guéri, mais je redoute une nouvelle crise. Vraiment? Peut-on savoir ce qui motive une pareille appréhension? Non. Oh, vous étiez plus expansif autrefois avec moi. Autrefois n'est pas aujourd'hui. Non, ne parlons plus de moi, voulez-vous? Cela m'est pénible. Parlons de vous. Laissez-moi à mon tour vous poser quelques questions. Ouf. Croyez-vous que ce soit bien indispensable? Mais certainement. Oui, je sais. Vous allez me demander comme ça en me prenant les mains. Eh bien, Germaine, êtes-vous... Heureuse. Mais vous voyez, je le savais. Et alors? Qu'est-ce que vous répondez? Vous ne voulez pas me répondre? Non. Et maintenant, parlons d'autre chose, voulez-vous? De quoi faut-il parler? Racontez-moi ce que vous jouez, ce que vous allez jouer. Oh, savez-vous à quoi je pense? Oh, mon petit François, il faut faire ça. Je vous en prie, faites ça. Mais quoi? Jouons quelque chose ensemble. Ensemble? Oui, ensemble, avec des amis aussi, bien entendu. Oh, dites oui, je vous en supplie, dites oui. Mais, je veux bien, je ne demande pas mieux, seulement où? Mais ici. Mais votre mari? Bon, mon mari voudra aussi, puisque je le voudrais. C'est entendu. Oh, ça, c'est gentil, je vous retrouve. Oh, ça va être follement amusant. Vous vous rappelez la revue que nous avons jouée autrefois ensemble chez maman? Comme c'était drôle. Je me souviens, oui. Oh, voyons, qui pourrait-on avoir? Pour jouer? Ben oui. Eh bien, je ne sais pas, on peut demander aux deux Fréjus. Non, attendez, il faut faire une liste. Ayons les deux Fréjus, la petite de Ruffieux, la petite de Ribaud, Jeanne Caumont, le petit Mérin et sa sœur, Henriette Charmy. Et puis j'oubliais Yvonne Sinclair. Indispensablement Yvonne Sinclair. Oh, quel enthousiasme pour Mademoiselle Sinclair. Oh, enthousiasme de camarade, simplement, elle a beaucoup de talent. Bon, bon, va pour Mademoiselle Sinclair. Et puis encore. Et bien, vous, votre mari. Georges. Oh non, ça l'assommerait. Mais on trouvera d'autres encore, ça ne doit pas manquer. Oh, Georges, savez-vous ce que nous venons de décider? Nous allons jouer quelque chose ici. Ici? Oui, avec les Fréjus, la petite Caumont, Henriette Charmy et d'autres. N'est-ce pas une bonne idée? Si vous voulez, oui, mais aura-t-on la place? Mais oui. Tenez, François, venez voir. Voyez-vous? Alors, on mettra la scène ici, les spectateurs là. On pourra même, s'il n'y a pas assez de place, voir de la salle à manger, on verra admirablement. Madame est servie. Hein? Quelle idée j'ai eue là! Oh, ça va être tout à fait amusant. Tout à fait, oui. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous comptez jouer? Oh, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça n'a pas d'importance. Germaine prend le bras de François et passe dans la salle à manger, suivie de Georges. Toujours dans l'appartement de Georges et de Germaine. Face au salon, dans l'espace compris par la baie, une scène a été placée avec des décors dont on voit l'envers. Le salon est débarrassé des meubles qui l'encombraient. Le metteur en scène suit la représentation par la fente d'une porte qui occupe le fond de la fausse scène. Mademoiselle Sinclair, ça va être à vous! Voilà, j'arrive! Tu n'as besoin de rien? Non, merci! Ah si, ma canne, où est ma canne? La voici. J'ai assez de rouge. Mais oui. Ma robe est agrafée dans le dos. Oui. Mademoiselle Sinclair, c'est à vous. Voilà. Vous entrerez quand toutes les jeunes Turquies seront sorties. Oui. Et ne vous troublez pas, ça ira. Je ne me trouble pas. Attention. Par les portes sortent cinq jeunes filles figurant la jeune Turquie. Et justement, la voici. Vous n'avez pas été en mesure, mais c'est très bien tout de même. Et maintenant, allez vite vous habiller pour le dernier tableau. Ouh. 11 heures. Ah, encore une demi-heure. Ça vous amuse, vous, monsieur, ces petites cérémonies-là? Mon Dieu. Vous avez de la chance. Ah, si je n'étais affligé d'une sœur qui n'a que moi pour la conduire dans le monde, je vous jure que je me passerais de ces distractions. Songez, monsieur, que nous avons avalé depuis le début de l'hiver 14 représentations de l'anglais tel qu'on le parle. 8 d'une revue dite bleue, 7 d'une revue dite rose, 5 de la revue dite blanche, dont vous pouvez apprécier ce soir le charme virginal et la spirituelle fantaisie, sans compter les danses grecques, romaines, byzantines, phéniciennes, assyriennes, nubiennes, etc., etc., etc. Régal sans pareil que nous devons à la sollicitude de maîtresses de maison jamais assouvies dans leur culte du bois. Je n'en peux plus, monsieur, je suis brisé. En vérité. Mais savez-vous, monsieur, que nous marchons à un péril effrayant qui va fondre sur Paris d'ici quelque temps, si tous les gens du monde persistent à s'improviser acteurs, hein ? La grève des spectateurs, tout simplement, monsieur, ce sera épouvantable. Tout le monde voudra jouer et on ne trouvera plus personne pour regarder, déjà à l'heure qu'il est. Ce ne sont plus les artistes qui sont difficiles à recruter, c'est le public. On parle même d'un commerçant avisé qui fournit aux maîtres de maison les chaises, les larbins, le buffet, le champagne et les spectateurs. Il fera fortune, monsieur, je vous le garantis. Et il bisse encore les lâches. Mon Dieu, monsieur, je vous trouve sévère pour ces inoffensives distractions mondaines qui ont bien leurs avantages aussi. Je voudrais bien savoir lesquelles. Eh bien, supposez, monsieur, qu'au lieu d'être gratifié d'une sœur, vous soyez nanté d'une femme. Et imaginez vos transes si éloignés de chez vous la plupart du temps par vos occupations. Les obsessions d'un esprit inquiet vous suggéraient l'idée de vous demander quel peut être l'emploi du temps de votre femme pendant ces après-midi que vous passez loin d'elle. Voyez l'écueil, monsieur. Vous deviendrez incontinent le mari odieux et tyrannique. Si, au lieu de cela, vous savez qu'entre les essayages chez le costumier, les répétitions, les auditions, les représentations, votre femme n'a plus une heure libre pour légitimer vos inquiétudes. À moins d'utiliser les entr'actes. Ah, évidemment. Voyez, monsieur, voyez quel apaisement. Mais ce n'est pas tout. Ces scénettes ont, en plus, le mérite d'offrir à votre épouse toutes les joies de l'adultère. Moins une, et évidemment, celle précisément qui aurait quelque inconvénient pour son honneur et le vôtre. Blasée sur les joies honnêtes du foyer, sent-elle s'éveiller en elle le besoin de connaître des émotions moins paisibles, elle les trouve pour rire dans les scènes de passion que la prévoyance des auteurs multiplie dans les comédies, revues, etc., à l'usage des salons, et satisfaite par la fausse étreinte qu'elle reçoit d'un partenaire très préoccupé de son rôle pour penser à autre chose. Elle rentre chez elle avec un stock d'honnêteté renouvelé par sa pseudo-culpabilité. C'est bien quelque chose, cela, allez, monsieur. Mais, excusez-moi, monsieur, mais est-ce que vous-même... Je suis le mari de la lettre égarée, monsieur. Comment ? Ma femme m'interprète en ce moment-là les couplets de la lettre qui n'arrive pas à destination. Oh, pardon, non, vous croyez bien que... Oh, je suis confus, monsieur, je... Le metteur en scène, qui a surveillé la représentation par les interstices de la porte au fond, va vers la porte de droite. Mademoiselle des Grenouilles, vous êtes prête ? Ça va être à vous ! Voilà ! Oh là, là, là ! À gauche, vous entrerez quand le compère aura dit « Et maintenant, voici la 8e merveille du monde, celle que personne ne connaît, et tâchez de croasser en mesure. » Eh bien, et Chantecler ? Mais où est Chantecler ? Alors bon, monsieur Fréjus ! Oh, eh bien voyons, Chantecler, encore pas prêt. Toujours pas prêt. Tout le monde vous attend. Comme c'est mal. Voilà, voilà. Alors, vous entrerez par là, après les grenouilles. Mademoiselle Sinclair sort, tournant le dos au public et saluant les spectateurs présumés du salon qui applaudissent. Très bien! Ça a très bien marché! Oui, vous trouvez? Admirablement, entre nous! Vous avez eu le succès de la soirée? Ah, vous croyez? J'en suis sûr. Jacques, tu as mon écharpe? Oui, voilà. Merci. Dis donc, tu as fini, toi? Mais non, faut que je reste pour le final. Mais pourquoi faire? Oh, tu es fou, voyons. Allez, viens dans la salle. Oh, oui, oh, bah tu sais, je la connais, la revue, moi. Monsieur Sinclair. Oui, voilà. Vous seriez bien aimable de m'aider à ouvrir les portes pour la sortie du compère et de la commère. Mais comment donc? Vous y êtes? Attention, ouvrez! Très bien! Bravo, ça a très bien marché! Mes félicitations, madame. Entre nous, vous avez eu le succès de la soirée. Vous croyez? J'en suis sûr. Vous n'avez que le temps de changer de costume. Bon, j'y cours! Vous êtes content, monsieur Mareuil? Il me semble que ça a marché. Oui, ça a marché un peu. Mais la salle est d'un froid. Ils ont l'air de croire qu'on fait ça pour s'amuser. Oh, les ingrats! Entre nous, c'est vous qui avez remporté le succès. Bon, Montrouge! Où est Montrouge? Ah, si on ne me retrouve pas Montrouge, je ne joue plus! Alors bon, vous n'avez pas vu le rouge de Monsieur Mareuil? Non! Vous n'avez pas vu le rouge de Monsieur Mareuil? Ah, voilà, je l'ai retrouvé! Ah bon, ça va être à vous, vous savez. Eh bien oui, ben, je suis prêt dans une seconde. Et la commère, est-elle prête? La commère! C'est à vous, madame! Voilà! Oh! Ingreuse. N'est-ce pas? Attention, vous y êtes? Bravo, mademoiselle Caumont, très bien, c'est le succès de la soirée. J'en suis certain, ne vous éloignez pas, mademoiselle. Ni vous non plus, mademoiselle Sinclair. Il faut que vous soyez prête à entrer en scène pour le couplet final. Dis donc, il a l'air d'en pincer pour la maîtresse de maison, Mareuil. Tu crois? Oh, il avait une façon de la détailler tout à l'heure. D'ailleurs, pourquoi est-ce elle qui l'a prise pour commère? C'était ton rôle, c'est madame de Ribaud. Oui. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas gardée? Parce qu'il a toujours été entendu que c'est elle qui devait la voir. Et tu as accepté ça? Ben, tu n'as pas beaucoup de vergogne. Oh, laisse-moi tranquille. Je sais mieux que toi ce que j'ai à faire. Bon, à ton aise, mais si tu te mets à accepter des pannes, tu n'iras pas loin, tu sais. Enfin, ça te regarde. Seulement tâche d'être en tête dans le compte-rendu des journaux. Je ne sais même pas si on en communiquera. Oh, zut alors. Oh là là là là, quelle purée. Non, je voudrais voir la figure de toutes tes petites amies si elles ne voient pas leur nom demain ou après à la rubrique des mondanités. D'ailleurs, ça m'étonnerait que Mareuil ne se soit pas préoccupé de cela. Il ne joue pas pour des prunes, celui-là. Oh, laisse Mareuil tranquille, n'est-ce pas? Oh, tu ne m'avais pas dit ça. Quoi ça? Rien. Mademoiselle Sinclair! Oui. Mademoiselle Caumont, vite en scène pour le couplet final. Oui, voilà. Monsieur Sinclair, voulez-vous vous mettre au rideau? Vous le fermerez quand je vous le dirai. Bien. Vous rouvrirez si on rappelle les acteurs. Oui, oh, on les rappellera, soyez tranquille. Bon, attention, allons-y. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Ah, ben, je tirerai sur l'autre cordon. Là, ça y est. Rouvrez! Non, mais c'est à croire qu'ils se sont amusés. Les portes s'ouvrent et les acteurs envahissent la scène. Germaine, François, Mademoiselle Sinclair, Mademoiselle Caumont, les cinq grenouilles, Fréjus, etc. Presque en même temps, quelques intimes entrent par les portes et la fausse scène. Ah, bravo! Exquis! Mais ce couplet de la guillotine! Oh, quel couvain! Merveilleux! Ça a marché, hein? Tu trouves? Oui. Chez madame de Ribaud, le rideau s'est relevé 5 fois. Ici, on nous a tout juste rappelé 2 fois. C'est que chez madame de Ribaud, on avait invité des tas de vieilles dames. Il y a quelqu'un qui applaudit. C'est peut-être parce qu'il y a quelques dames. Vous croyez qu'on va danser maintenant? maintenant. On a même pas enlevé les tapis dans le salon. Et dans la salle à manger. Ah, ça, je n'ai pas vu. Allons, regardez. Oh, divine, ma mignonne, vous avez été divine. Je suis encore toute secouée. Depuis la 12, je n'avais pas connu une pareille émotion. Lui, c'est du grand art, c'est la perfection, il n'y a plus rien à dire, c'est admirable. Mais elle, quelle révélation! Oh, chère madame, chère madame! Si, croyez-moi, je ne me trompe jamais. Vous êtes une artiste, une grande artiste. Oh, vous exagérez. Non, je l'ai tout de suite vu. Vous sentez ce que vous dites. Vous comprenez? Tout est là. Il faut sentir, il faut sentir. Vous allez jouer chez moi quelque chose avec Mareuil s'il y consent. Mais avec grand plaisir. Ah, c'est cela, ce que vous voudrez. Mais quelque chose de sérieux, où l'on puisse vous juger. J'inviterai Clarté, il faut qu'il vous connaisse. Bravo, bravo. Ah, eh bien, il me semble que ça a marché. Oui, pas mal. Oui, je suis assez content. Dites-moi, pendant que j'y pense, voulez-vous envoyer quelque chose aux journaux? Ah ben, mon Dieu, comme vous voudrez. Moi, je ne tiens pas, au contraire. Ah ben alors... Non, mais seulement c'est pour les autres. Les artistes, ça se fait habituellement. Ah. C'est la façon de les remercier à laquelle ils sont le plus sensibles. Eh bien, mais comment faut-il rédiger ça? Ouais, ne vous en occupez pas, j'ai l'habitude, je ferai ça moi-même. Oh, tout mon chagrin, comment vous remercier? Du tout. Bon, vous m'excusez, mes invités à nourrir. Je vous en prie. Eh bien, mademoiselle Yvonne Sinclair. Eh bien, monsieur François Mareuil. Savez-vous que vous fûtes délicieuse, mademoiselle Yvonne Sinclair. Et vous étourdissant, monsieur François Mareuil. Il est vrai que vous aviez pour commère une partenaire digne de vous. Ah, les femmes mariées ont une supériorité incontestable sur nous autres. Elles ont le droit d'avoir du piquant, du chien, du retroussi. Nous, il nous faut jouer honnêtement. Au risque de compromettre notre réputation. Pauvre jeune fille. Oui, pauvre jeune fille. Seulement prenez garde. Les pauvres jeunes filles n'aiment pas qu'on leur préfère les femmes mariées. Et elles pourraient bien se venger. De qui? De vous. Mais comment? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne faites pas l'ignorant. Mon pauvre François, vous avez joui jusqu'ici d'une situation exceptionnelle auprès de nous toutes, les pauvres jeunes filles, parce que vous étiez l'homme de notre clan. N'essayez pas d'être en même temps du clan opposé, celui des femmes mariées. Cela ne peut pas aller ensemble. Il faut choisir, mon pauvre François. C'est elle ou nous? Que veut dire cette phrase? Vous le comprenez très bien. Je vous assure. Fini les beaux rêves, mon pauvre François. Écroulez les châteaux en Espagne que vous bâtissiez déjà avec la dot de la bien-aimée. Mademoiselle Sinclair, si vous n'étiez une femme... Oui, mais j'en suis une. Et j'en profite. Voyons, ne vous fâchez pas. Vous savez bien que je suis une amie. J'ai voulu vous crier casse-cou, votre partenaire de ce soir. Mon Dieu, qu'est-ce que vous allez chercher là? Germaine est une amie d'enfance, vous le savez aussi bien que moi. Qu'est-ce que ça prouve? Ça ne l'empêche pas d'être jolie, plus jolie que nous, et puis d'avoir sur nous l'avantage de pouvoir disposer à votre profit, si le cœur lui en dit, non plus de sa main, mais de quelque chose qu'elle peut prodiguer généreusement, sans inconvénient, appréciable pour elle. Nous ne pouvons donner que notre main. Et ça ne sert qu'une fois. Ça restreint pas mal les sujets de flirt. Vous vous trompez, mademoiselle. Il n'a jamais été question de flirt entre Germaine et moi. Oh, jamais? Il fut un temps où vous ne détestiez pas vous trouver seule, mademoiselle Germaine Sévin et vous, au bal, dans un coin, derrière une porte. Et les importuns qui venaient déranger vos apartés étaient plutôt mal reçus. Vous croyez? J'en suis sûre. Et vous aussi? Allons, François. Votre supplice a assez duré. Ne m'en veuillez pas. Et tenez. Pour que vous me pardonniez, je vais laisser la place à quelqu'un qui a l'air de mourir d'envie de reprendre une de ces conversations intimes, momentanément interrompues par son mariage. Je crois que votre frère vous cherche, mademoiselle Sinclair. Merci, madame. J'allais justement le retrouver. Elle est charmante, cette mademoiselle Sinclair. Charmante. Je vous dérange? Bon, comment pouvez-vous penser? Qu'est-ce qu'elle vous racontait? Non, rien d'intéressant. Mais encore? Elle me rappelait une époque éloignée, où l'on me rencontrait, disait-elle, partout, dans tous les bals, dans toutes les réunions, en compagnie de la même jeune fille. Elle prétendait que nous recherchions ensemble l'isolement et que les fâcheux qui venaient interrompre nos tête-à-tête étaient assez mal reçus. Cette époque date de longtemps? Quelques mois à peine. Ah? C'est un souvenir très doux et un temps très cruel. Nous ne nous étions jamais rien dit et pourtant il me semblait que nous nous étions compris. Je ne connaissais pas de plus grand bonheur que passé une heure ou deux auprès d'elle, elle était tout pour moi. Et elle? Elle. Je ne sais pas. Et cette jolie idylle n'a pas duré? Non. Elle a fini de la façon la plus soudaine, la plus déconcertante, la plus douloureuse. Comment cela? Par une lettre. Une lettre? Oui, dans laquelle vous m'annonciez vos fiançailles. François! Germaine, depuis un mois que je vous ai retrouvé, ce souvenir si déchirant m'obsède. J'ai travaillé pour vous oublier, je croyais avoir réussi. Et puis quand j'ai rencontré votre mari, je n'ai pas résisté à la tentation de vous revoir. Je n'ai plus eu ensuite le courage de refuser la proposition que vous me faisiez de jouer cette revue avec vous. C'était le moyen assuré de ne plus vous perdre. Je vous ai vu de nouveau comme autrefois, presque tous les jours. Et j'ai acquis la certitude que je recommençais à vous aimer. François, taisez-vous, je vous en prie. Mais ce n'est pas la seule certitude que j'ai acquise. J'ai vu à vos regards, j'ai compris, à certains mots, que vous n'étiez pas heureux. François, je vous en prie, ne me parlez pas de ces choses. Vous voyez, Germaine, vous ne pouvez même pas le contester. Vous êtes trop franche, trop sincère pour le faire. Quand je me suis rendu compte de votre mélancolie, j'en étais presque joyeux. Pardonnez-moi, c'est mal, c'est lâche, mais je ne pouvais pas supporter l'idée que vous aviez rencontré un autre capable de vous rendre heureuse. Pourquoi m'avez-vous laissé l'épouser? Comment, pourquoi? Mais quand vous m'avez fait part de vos fiançailles, l'eussais-je voulu qu'il eût été trop tard pour rien empêcher? Mais rappelez-vous, je vous ai demandé ce que vous pensiez de Georges en vous disant qu'il venait de faire une démarche auprès de mon père. Et parfaitement, je me souviens. Et alors, que m'avez-vous répondu? Je vous ai répondu ce qu'on répond toujours à une jeune fille qui vous demande votre opinion sur un jeune homme susceptible de l'épouser. Il est charmant. Du reste, je ne l'avais jamais vu. Mais vous n'avez pas compris pourquoi je vous demandais cela. Vous n'avez pas compris que ma question était un avertissement, une menace, une prière. Vous m'avez répondu, il est charmant. Alors devant votre indifférence, j'ai compris que tous mes chers espoirs s'écroulaient. J'ai été désespérée. Je suis rentrée. Sans attendre, j'ai parlé à ma mère. Autant valait celui-là qu'un autre. Et lui, au moins, je savais qu'il m'aimait. Le soir même, j'étais fiancée. Fiancée par votre faute, parce que vous n'avez pas prononcé le mot qui me jetait dans vos bras. Pourquoi ne l'avez-vous pas prononcé, ce mot-là? Pourquoi? Oh, dites, oui, dites! Ce n'est pas parce que je n'avais que 100 000 francs de dot. Germaine! Oh, pardon. Non, je ne voulais pas vous dire ça. Puis c'est parti malgré moi. Oh, je suis folle, ne m'en veuillez pas. Je ne vous en veux pas. Parce que je sais que vous ne pensez pas à la calomnie que vous venez de prononcer. Et puis, tout cela est le passé. À quoi sert d'en parler, Germaine? Si je n'ai pas senti que je vous aimais avant qu'il fût trop tard, vous avez agi bien rapidement, vous-même. Et vous m'avez puni avant d'être sûre que j'étais coupable. J'étais lasse d'attendre une demande que rien ne retardait, que votre seule volonté. Vous étiez libre, n'est-ce pas? Je l'étais aussi. Mais était-ce une raison pour vous donner à un autre et consommer l'irréparable? Belle vengeance, où nous sommes tous deux également punis. Oh non, pas également. Si vous saviez, François... Je le suis plus que vous. Vous êtes libre, vous. Moi, je ne le suis plus. Ma vie est finie maintenant. Brisée. Brisée, Germaine? Comment pouvez-vous dire cela? Parce que vous vous êtes trompée, parce que vous étiez trop jeune, imprudente, peut-être. Oh non, cela n'est pas de votre faute, et vous ne devez pas être sacrifiée ainsi. Il ne le faut pas. Je suis là, je vous aime, et je ne le veux pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, François? Rien n'est perdu. Rien n'est fini. Vous vous êtes mariée contre votre gré sans savoir. Vous avez été surprise. Eh bien, tant pis pour le mariage. Germaine, toutes les joies ne vous sont pas interdites. Vous avez été froissée, meurtrie, à oublier tout cela. Et confiez-vous à moi. Redevenons les amis d'autrefois qui savaient si bien se comprendre. Je suis mariée, François. Qu'importe. Je ne veux plus que vous vous en souveniez. Dites-moi que vous voulez bien. Dites-le-moi, je vous en prie. J'ai peur. De quoi, mon ami? Oh, de moi, de vous, je ne sais pas. Oh, est-ce donc ainsi que vous aviez confiance en moi autrefois? Oh non, pardon, c'est vrai. Je veux bien, François, ce que vous voudrez. Mon ami. François, laissez-moi. Je vous aime. Oh, c'est mal. Il me semble que c'est mal. Je vous promets que non. Vous n'êtes jamais venu chez moi autrefois? Non. C'est vrai, vous n'avez jamais voulu. Vous me répondiez toujours en riant quand je serai mariée. Et bien maintenant. Oh. Germaine, voyons, qu'est-ce que vous risquez? Personne ne le saura. J'ai le trop grand souci de notre mutuelle sécurité pour vous faire courir le moindre danger. Je vous ferai une autre existence, cachée, secrète, pour tout le monde, sauf pour nous deux. Et telle que vous l'aimerez. Dites seulement que vous voulez bien. C'est mal. Alors, quand? Écoutez, demain j'ai mon cours, mais après-demain, voulez-vous? Après-demain. À quelle heure? Eh bien... À 3 heures, voulez-vous? Je vous guetterai, ma chérie. Oh, j'ai peur que ce soit mal. Mais pourquoi? C'est un enfantillage, voyons. Mais c'est qu'il m'aime. Et moi, est-ce que je ne vous aime pas? Alors, et puis c'est ma revanche. Après tout, j'ai assez souffert. Il y a 5 mois, le jour, le soir, où il vous a emporté. Il m'a semblé qu'il vous volait à moi. Si vous saviez, Germaine, comme j'ai été malheureux ce soir-là, cette nuit-là... Oh, mais il n'avait pas de quoi. Comment? Il ne s'est rien passé. Soit. Mon imagination manquant de renseignements a pu se développer à contre-temps. On ne se trouve jamais quand il le faut. Mais depuis... Depuis, non plus. Vous dites? L'irréparable, comme vous dites, n'a jamais été consommé. Comment? Jamais? Non. Je n'ai pas voulu. Vous... Ça, par exemple. Ça vous étonne? Ah, oui, plutôt. Et il a accepté ça, votre mari? Il a bien fallu. Mais dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas voulu? Parce que je ne l'aimais pas. Ah, une surprise. C'est une surprise, par exemple. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Oh, comment pouvez-vous dire? Non, je suis ému. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quel point je suis ému. Et puis d'ailleurs, je ne pouvais pas. Je n'aurais jamais pu. Il me semblait que c'était impossible, invraisemblable, contre nature. C'est drôle. Avec un autre, ça ne me fait plus le même effet. Ma petite Germaine. Alors? Alors? Ah, je suis stupéfait. Vous savez, littéralement stupéfait. Ça, Dieu sait si je m'attendais à une pareille révélation. Vous avez l'air plus que stupéfait, François. Vous avez l'air atterré. Dame, il y a de quoi. Enfin, je veux dire, vous m'avez surpris, là, en m'annonçant ça sans préambule. Je vous demande pardon, mais laissez-moi le temps de m'y habituer. Est-ce donc si extraordinaire, ce que j'ai fait? Ou plutôt, ce que je n'ai pas fait? Dame, oui. Moi, c'est le contraire qui m'aurait semblé extraordinaire. C'est un point de vue. Alors, quand est-ce que je vous reverrai? Mais bientôt, je pense, bientôt. Vous n'êtes plus si pressé. Pressé? Vous me parliez d'après-demain tout à l'heure. Vous croyez? Ah oui, c'est vrai, je suis stupide. Oui, après-demain. Après-demain. Voilà, j'ai peur de ne pas être exact. Alors, si vous voulez, plutôt la semaine prochaine. Du reste, je vous reverrai d'ici là. Ou bien je vous téléphonerai, c'est ça, je vous téléphonerai. Oh, François! Eh bien quoi? Mais qu'est-ce qu'il vient, ma petite Germaine? Voyons, faites attention, on peut venir. Oh, François, vous n'êtes plus le même depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce... ce que je vous ai dit? Mais non, pas du tout. Mais alors quoi? Mais rien, je vous assure. Oh, si, je suis sûre que si, je veux savoir. Eh bien, non. François, je vais pleurer. Eh bien, non, ma chère Germaine, il y a que pour des raisons de sécurité, dont l'importance vous échappe peut-être, mais que le souci de votre bonheur m'empêche d'oublier, moi, il y a qu'il serait imprudent... Ce serait gros l'inconvénient de nous voir, du moment que, enfin, dans la situation inattendue que vous venez de me révéler. Oh, moi qui croyais que ça allait vous faire plaisir. Oh, German, voyons, comprenez-moi, je suis désespéré moi-même. Songez que je vous aime. Seulement, que voulez-vous? Il y a des responsabilités que vous ne pouvez pas laisser prendre à un autre que votre mari. Écoutez-moi. Enfin, autrefois, avant votre mariage, si je vous avais proposé sérieusement de venir chez moi, est-ce que vous seriez venu? Non, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de changé? Qu'est-ce que vous êtes de plus qu'autrefois? Est-ce que vous croyez que le fait d'avoir dit oui devant monsieur le maire et devant monsieur le curé de Saint-Honoré-des-Laux a beaucoup modifié votre situation? Eh non. Il y a autre chose. Pour être une petite madame et avoir le droit de venir dans les garçonnières, il y a une autre condition à remplir. Ma chérie, m'aimez-vous? Oui. Eh bien, si vous m'aimez, parce que vous m'aimez, il faut remplir cette petite condition-là. Oh. Oui, je comprends. Cela vous choque, cela vous blesse que je vous dise cela. Croyez-vous donc qu'il ne me faille pas de courage pour vous le dire? Seulement, je vous aime trop, moi, pour laisser passer le bonheur près de nous, à côté de nous, quand il ne faut, pour que nous puissions le saisir, qu'un moment d'abnégation de ma part et un petit effort de la vôtre. Je ne pourrais pas, d'abord. Je vous l'ai déjà dit, je ne pourrais pas. Voyons, Mathilde Germain, ce n'est pas grand-chose. Je vous assure que je souffrirais davantage. Moi, imaginez la chose que vous, elle a subie. Non, je ne pourrais pas. Et pourquoi? D'abord, enfin, il n'est pas mal, voyons. Il n'a rien de repoussant. Il est même plutôt bien. Enfin, ça ne devrait pas être à moi de vous montrer ses qualités. Mais vous me l'avez dit souvent, il est très bon. Oh oui, ça. Il a sûrement beaucoup souffert de votre refus. Madame, oui. Et puis vous me l'avez dit aussi, il vous aime. Oh oui. Très bien. Oh, vous êtes là, Germaine, je vous cherche partout, tout le monde s'en va. Et vous n'êtes pas là pour dire adieu, venez, que je vous en prie. Voilà, je viens tout de suite. Germaine, le temps presse. Ne me laissez pas partir sans une bonne promesse. Si vous m'aimez, soyez bonne pour lui. Bien, tenez, voici un œillet. Je vous le donne. Il vous aidera à avoir du courage, tout à l'heure. Comment vous voulez que tout de suite? Demain, vous n'auriez plus le courage. Écoutez, je vous laisse ici ma boîte à grimer et des costumes. Je viendrai les reprendre demain, dans la matinée. Je saurai ainsi de vos nouvelles. Vous m'aimez? Oh, il le faut, allez. Je vous adore. Du courage. Du courage. Germaine, seule, contemple quelque temps l'œillet qu'elle a gardé à la main. Je puis faire la couverture de monsieur, madame? Oui, faites. Pendant qu'Élise découvre le divan, Germaine continue à regarder l'œillet, puis la porte par où vient de sortir François. Elle porte l'œillet à son visage, en aspire longuement le parfum. Madame n'a plus besoin de moi? Non, merci. Bien, madame. Eh bien, vous avez une façon de recevoir, vous. Bon, j'y vais. Oh, c'est inutile. Tout le monde est parti. J'ai fini par dire que vous étiez fatiguée, souffrante, et que vous aviez dû vous coucher. Seulement, c'est la première et la dernière soirée de cette sorte que nous donnons, je vous en préviens. On n'est pas admis à se moquer des gens qu'on invite, comme vous venez de le faire. Oui, j'ai eu tort, j'en conviens. Mais c'est vrai que j'étais fatiguée, énervée, j'avais besoin de calme. Seulement, ne me faites pas de scène, voulez-vous? Je n'aurai pas de force pour la supporter. Oh, je ne vous fais pas de scène. Mais vous me permettrez de vous dire que votre aparté avec M. Bareuil était inconvenant, déplacé. Et votre insouciance est aussi inadmissible que son manque de tact est flagrant. Vous appelez ça ne pas me faire de scène? Écoutez, attendez à demain, je vous promets que je vous écouterai patiemment, là. Ce soir, je suis fatiguée, je vous assure. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas, je me sens pas bien, voilà tout. Bah, allez vous coucher. C'est que j'ai pas envie de me coucher. Eh bien, ne vous couchez pas. Georges, faites-moi apporter du champagne, j'ai soif. Du champagne? Mais il n'y a plus personne. Je leur ai dit d'aller se coucher. Alors soyez gentils, apportez-moi vous-même. Georges! Quoi? Du sec, pas du frappé. Oui, oui. Ouais. Merci. N'en prenez pas, vous? Non. Bon, c'est tout ce que vous voulez? Oui. Non, mais ne vous en allez pas. Non, restez là. Je ne peux pas boire toute seule. Asseyez-vous. Et ne faites pas une figure maussade comme ça. Oh, voyons, vous avez signé l'armistice jusqu'à demain. Demain, vous reprendrez votre air désagréable. Ce soir, quittez-le pour me faire plaisir. Soyez gentil, soyez affectueux. Et donnez-moi encore à boire. Si soif que cela? Oh! Une soif! Ah, je suis mieux, je suis moins fatiguée. Georges, Élise est couchée, il va falloir que vous m'aidiez à dégrafer ma robe. C'est dans le dos, je peux pas. Elle se tourne. Georges commence à dégrafer le haut de la robe, puis, troublé par le parfum qui en émane, l'embrasse dans le cou. Non! Genre, vous me chatouillez. Oh, pardonnez-moi, Germaine, c'est stupide, mais j'étais si près. Enfin, je n'ai pas pu résister, c'est idiot, mais c'est votre faute aussi. Voilà un mois que j'évite de vous approcher. J'y avais assez bien réussi, et puis ce soir, vous m'attirez presque. Mais oui, vous me faites respirer votre parfum. Alors, tant pis, qu'est-ce que vous voulez, c'est votre faute. Mais qui vous dit que je vous en veuille? Oh non. Non, écoutez, ne recommencez pas à vous moquer de moi. C'était pas généreux, Germaine. Moi, je vous aime encore. Allez, laissez-moi m'en aller. Dans 5 minutes, je deviendrai brutal. Non, ne vous en allez pas. Oh, Germaine. Donnez-moi encore un peu de champagne. Ah, vous allez en renverser par terre. Oh, écoutez, Germaine, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est vous qui buvez, c'est moi qui suis gris. Je comprends pas. Je vous aime. Je vous adore. Il ne faut pas me laisser espérer. Si je me trompe, si je dois m'apercevoir tout à l'heure que je m'étais trompé, c'est que vous avez des yeux si drôles ce soir. Ils sont drôles, mes yeux? Oh oui. Vous voulez bien que... Que quoi? Que je vous tienne la main, comme ça. Mm-hmm, la main, oui. Oh, prenez garde. Repoussez-moi pendant qu'il est encore temps. Tout à l'heure, il sera trop tard. Trop tard, hein? C'est drôle. Tout tourne. Non, Georges. Voulez-vous? Non, laissez-moi. Non, laissez-moi. Bon, ben, c'est bien. C'est bien, je m'en vais. Non, non. Non, vous n'en allez pas. Pardonnez-moi. Je suis nerveuse, mais ne vous en allez pas. Restez là. Seulement, parlez-moi doucement pour ne pas me réveiller tout à fait. J'ai un peu le vertige. C'est pas désagréable. Non, Germaine. Ma petite Germaine. C'est vrai que je suis brutale. Mais les amoureux sont maladroits. Mais je suis amoureux de vous. Je n'ai jamais cessé de l'être. Oh, si vous saviez comme je vous aime. Je n'ai jamais pu vous le dire depuis notre mariage parce que j'avais peur que vous me riez au nez. Je n'osais pas. Je me sens si petit, si timide devant vous. Je n'ose même plus lever les yeux sur vous. Oh, Germaine, si vous vouliez, mais comme je vous aimerais, d'un amour chaud, tendre, caressant, je ne vous demanderais que de vous laisser aimer, de ne pas me repousser, ni de me dire des choses ironiques ou méchantes. Vous verriez, je ne vous encombrerais pas. Il me suffirait de savoir que le soir, quand tous les autres ne seraient plus là, quand nous serions seuls, hein, comme ce soir, vous me laisseriez vous prendre doucement dans mes bras. Voilà, comme ce soir. Et quand vous auriez besoin de quelqu'un, c'est moi, moi seul que vous appelleriez. Oh, Germaine, voyez, je n'ai jamais exigé ce à quoi j'avais droit, pourtant. J'ai prié seulement. C'est que je veux vous avoir consentante. J'attendrai encore s'il le faut. J'aurai de la patience. Je vous aime tant. Georges, tu as encore soif? Oh, mais il n'y a plus de champagne. Vous avez bu toute la bouteille. Vous voyez, il faut nous coucher maintenant. Oh, venez, Germaine. Oh, tout remue. Georges la soulève dans ses bras. Elle s'abandonne. Il la porte dans la chambre. Quelques instants après, il ressort. Il marche, baissé, cherchant quelque chose. Et où ça, papin? Ah, oui, voilà. Un œillet? Pourquoi faire? Il rentre chez sa femme, ferme la porte. La pièce est sombre. Le jour filtre par les fentes des rideaux. Paraît Émile, le valet de chambre, portant des vêtements qu'il pose sur une chaise. Il va ouvrir les rideaux. Il est 10h, monsieur. Monsieur, il est 10h. Il écarte le paravent et aperçoit le divan vide. Ça, par exemple. Élise, Élise. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Entrez, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Émile, vous me faites peur. J'ai mieux m'en aller. Entrez, je vous dis. Ce n'est pas un malheur, au moins. Émile? Oui, monsieur. En tout cas, il n'est pas là. Alors il a découché? Dame, son a tout l'air. Où est-il allé? Si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Est-ce que madame est réveillée? Non, elle n'a pas sonné. Vous le savez, vous? Quoi? Où monsieur est allé? Non, non, non, mais ça n'est pas difficile à deviner. Où ça? Chez sa bonne amie, parbleu. Oh! Depuis le temps que madame se moque de lui, il s'est énervé, c'est bien naturel. Ça ne fait rien, découcher, ça n'est pas convenable. Oh, il a assez prévenu madame, elle devait s'y attendre. Si monsieur avait su s'y prendre avec madame, ça ne serait pas arrivé. Bien entendu, dans ces cas-là, c'est toujours notre faute à nous autres. Moi, oh, bah bien sûr. Du reste, croyez-moi, ne nous plaignons pas. Ça vaut mieux pour les domestiques, un ménage qui ne va pas. On est bien plus tranquille. Pourquoi ça? On peut faire son service sans se gêner quand on entre dans une pièce. On n'est pas exposé à tomber comme un chien dans un jeu de quilles. Chez les jeunes mariés, habituellement, on a l'air d'être de trop. Ils trouvent toujours un prétexte pour vous faire quitter la pièce où ils sont. Ou bien alors, ils se dérangent tellement peu pour vous qu'on est gêné. Mais c'est vrai. On finit par avoir un service de cabinet particulier. Heureusement qu'ici, c'est un ménage comme les autres. Ça vaut mieux, croyez-moi. Vous feriez mieux d'aller ouvrir, ça doit être oui. Madame Séva, c'est son heure. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, Élise. Ma fille dort encore? Oui, madame. Madame n'a pas encore sonné. C'est vrai, elle a dû se coucher trop tard après cette soirée. Madame n'est pas venue hier soir? Oh non, oh non, oh, les belles mères doivent se faire remarquer par leur discrétion. Si la mienne est-elle devenue proverbiale? Je vais attendre ici que ma fille se réveille. Vous la préviendrez seulement quand elle vous sonnera. Enfin, que je suis là. Bien, madame. Monsieur est là? Oui, c'est-à-dire non, madame. Enfin, est-il là ou n'est-il pas là? Madame, je crois qu'il vaut mieux que madame le sache tout de suite. Monsieur n'a pas couché là. Vous dites? Madame peut voir le lit, il n'est pas défait. Mais alors, il a découché? Mais c'est épouvantable! Le misérable, et ma fille le sait-elle? Je ne pense pas, madame, je ne sais pas. Quelle catastrophe! Madame n'est pas réveillée, monsieur a dû sortir après que les invités ont été partis. Voilà, voilà, c'est bien ce que je redoutais. J'avais dit répéter à ma fille, elle me riait au nez. Cette fois-ci, ça y est bien, découché, et la nuit encore. Le concierge, tout le monde est au courant présent. Il est plus de 10h, il n'est pas encore rentré. Parbleu, il a voulu faire un esclandre, c'est clair. Il a dû tout simplement aller coucher à Terminus. En tout cas, il faut réveiller madame. Élise, c'est trop grave, il faut lui dire et tout de suite. Germaine! Germaine! Germaine, mon enfant! Par la porte entrebâillée apparaît la tête de Georges. Eh bien, mais qu'est-ce qui vient? Comment? Vous? Oh, c'est vous, ma chère belle-mère. Georges? Mais alors, où est Germaine? Germaine? Eh bien, mais elle est là. Seulement, elle dort encore. Alors ne faites pas trop de bruit pour ne pas la réveiller. Je suis à vous dans un instant. Mais alors? Oh, ma petite chérie! Et moi qui n'en ai rien su! Oh! Élise, voulez-vous téléphoner tout de suite à mon mari, 533-19, qu'il vienne me rejoindre ici à l'instant? Oh, bien, madame! Oh! Oh, ma petite chérie, ma petite chérie! Oh, je suis bête, moi! Je suis émue comme si c'était moi! Georges paraît en pyjama. Comment vous pleurez? Oh, je vous demande pardon, c'est stupide. Mais je m'attendais si peu à ça. Oh, je suis toute bouleversée, Georges. Ah, vous voulez-vous me laisser vous embrasser? Mais comment donc, ma chère belle-mère, avec plaisir. Oh, mon enfant, mon cher enfant. Oh, je suis bien contente, allez. Bien contente tout de même. Mais quand je pense que cette petite cachotière ne m'a rien dit, rien, pas un mot qui fasse prévoir un pareil événement. Au contraire. L'autre jour encore, j'ai essayé de venir à bout de son entêtement. Car vous savez que j'ai fait tout ce que j'ai pu, mon cher Georges. Mm-hmm. J'ai pour principe que la meilleure façon d'aimer sa fille, c'est de toujours prendre parti pour son gendre contre elle. Donc, je me suis ingéniée à la persuader. Et j'avoue que quand je l'ai laissée, elle ne me paraissait pas convaincue. Oh non, loin de là. Enfin, l'important, n'est-ce pas, c'est que nous avons réussi. Et nous avons réussi, n'est-ce pas? Nous avons réussi. Ça n'aura pas été sans peine. J'aurais bien voulu l'embrasser, cette chère petite. Mais vous avez raison, après cette soirée qui a dû la fatiguer, il vaut mieux la laisser dormir. Au fait, ça s'est bien passé. Elle n'a pas eu trop peur. Ça a eu du succès. On a eu l'air de s'amuser. La soirée. Parfaitement, oui. On a eu l'air, oui. Nous avons regretté, d'ailleurs. Oh, mais Christy, je ne suis pas précisément habillée. Oh, mais sans doute que mon mari, à qui j'ai fait téléphoner de venir me prendre. Enfin, il est temps, en tout cas, que je m'habille. Vous m'excuserez, n'est-ce pas? À tout à l'heure. Oui, c'est ça, à tout à l'heure. Eh bien, il n'est rien arrivé de fâcheux, j'espère. Ton téléphone m'a bouleversé. Non, rien de fâcheux. Mais il y a cependant de quoi être bouleversé. Mais enfin, quoi? Je meurs d'impatience. D'abord, où est Germaine? Germaine est dans sa chambre. Elle dort et je te prie de parler plus bas pour ne pas la réveiller. Elle n'est pas malade? Non. Alors quoi? Et Georges? Georges s'habille. Mais si tu me poses tout le temps des questions, tu ne sauras jamais rien. Non, mais je me tais. Mais pour Dieu, parle. Ça y est. Mais qu'est-ce qui est? Germaine et son mari. Oui. Eh bien, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Tu vas peut-être me dire que tu t'y attendais. Tu es si malin, toi. Mais bien entendu que je m'y attendais. Là, ben, qu'est-ce que je disais? Mesdames, enfin, je ne peux pourtant pas pousser des cris de stupéfaction parce que deux êtres vivant ensemble dans le même appartement, sans aucun obstacle entre eux, et alors que l'ignorance même qu'ils avaient l'un de l'autre les poussait à se réunir et à s'affronter, en sont arrivés à se mettre d'accord sur l'accomplissement d'un fait très naturel, en somme. Bah, il y a assez de gens qui se dérangent pour aller chercher ce que ta fille et son mari avaient chez eux. Il devait fatalement arriver ce qui est arrivé. Et allez donc, c'est tout simple. Voilà comme vous jugez ces choses-là, vous autres. Enfin, je suis trop heureuse que les événements aient donné raison à ta perspicacité, quelque naïve soit-elle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qui? Bah, nous deux. Germaine dort. Mais elle ne va pas tarder à se réveiller. Et Georges, qui est allé s'habiller, va arriver d'un instant à l'autre. Tu veux savoir ce qu'il faut faire? Oui. Eh bien, il faut nous en aller. Oui. Ah et bon? Tout de suite. Et laisser ses enfants tranquilles. Allez, ah bon? Viens. Bon. Viens. Émile entre et prend les vêtements qu'il avait déposés sur une chaise. À ce moment, Élise paraît portant un plateau qu'elle pose sur un guéridon. Bien, madame. Émile! Oui? Prévenez monsieur de la part de madame que le déjeuner est servi ici. Allons bon! Ne pouvait donc pas rester mal ensemble? Vous croyez que c'est une vie, ça? Des gens mariés. On a prévenu monsieur? Oui, madame. C'est bien, Élise. Je vous remercie. Germaine arrange un instant sa coiffure devant une glace, puis s'assoit à côté du guéridon où est le plateau. J'ai une prière à vous adresser. Écoutez-moi, ne vous retournez pas encore. Attendez. J'aime mieux ne pas voir vos yeux. Si je les voyais, si j'y reconnaissais la flamme de malice, d'ironie, de défi qui m'y guette toujours, je n'aurais plus le courage de continuer. J'aurais voulu partir ce matin pour mon bureau sans vous revoir. J'aurais gardé ainsi plus longtemps, jusqu'à ce soir, la vision délicieuse de toute cette nuit pendant laquelle il me semble avoir rêvé. Vous m'avez fait appeler au moment où je m'apprêtais à sortir. Je suis venu, mais ce que je vous demande, ce dont je vous supplie, c'est de ne pas faire cesser mon rêve d'un mot désagréable, d'un regard méchant. C'est de me laisser croire qu'il va continuer. C'est de ne pas me réveiller. Alors, voilà ce que j'ai pensé. Vous vous souvenez que je vous dois une scène ce matin? Eh bien, écoutez, faisons un échange. Je ne vous ferai pas ma scène, mais en revanche, vous ne me direz rien de désagréable. Voulez-vous ? Est-ce que je peux me retourner maintenant ? Ça dépend. Acceptez-vous ? J'accepte. C'est vrai ? J'accepte, mais ça n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que je n'avais rien de désagréable à vous dire. Non ? Je vous assure. Et alors, vous ne m'en voulez pas trop ? Non, pas du tout. Au contraire. Ma chérie, mais c'est incroyable ! Incroyable ! Je n'y comprends rien. Moi non plus. Et maintenant, déjeunons. Votre thé est servi. J'ai une faim de loup, moi. Et vous ? Oui, non. Je vous aime. Mais ça ne nourrit pas, ça. Oh non, mais ça occupe. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle ? Mais je ne m'attendais pas à vous retrouver comme ça, dans d'aussi bonnes dispositions. Je pensais... Ça ne vous fâchera pas que je vous dise cela. Germaine, il m'avait semblé que vous étiez... un peu grise hier soir. Vous croyez ? Oui, je crois. Vous commenciez même à avoir des idées fixes. Moi ? Mais oui, cet œillet. Vous ne vous souvenez plus de cet œillet que vous m'avez réclamé à un moment ? Je ne me rappelle pas. Oh, mais si, voyons. Enfin, du reste, c'est facile, il ne doit pas être perdu. Il entre un instant chez Germaine, il en ressort aussitôt avec l'œillet à la main. Tenez, le voici. Il est même superbe. Eh bien, le reconnaissez-vous ? Non, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. C'est bien ce que je disais. Vous étiez hier soir un petit peu dans les nuages. Et ce matin, vous ne vous souvenez de rien. Ingrat. Oh, pardon, ma chérie. Vous ne tenez pas à le garder. Quoi ? Cet œillet. Oh non, pas du tout. Ah, bon, ben alors je vais le mettre à ma boutonnière. Oh non, Georges, non. Et pourquoi ? Oh, laissez-le. Il est fané d'abord, ça serait très laid. Dites-moi, ça doit être affreux, une femme grise. Coquette. Non, non. Seulement, je me suis dit que vous aviez eu le champagne affectueux, très affectueux, mais que ce matin, vous ne seriez plus sous cette heureuse influence et je prévoyais un accueil plutôt tiède. Et puis, alors, pas du tout, le charme dure encore. Vous êtes content ? Oh, ça, oui. Et tant qu'il y aura du champagne en France... Vous croyez le champagne indispensable ? Madame... Qui sait ? Écoutez, Germaine... Ce que je vais vous dire, c'est très sérieux. C'est très important. Quoi ? Je vous adore. Vous savez que votre mère sort d'ici ? Maman ? Oui, avec votre père. Vous les avez vus ? Enfin, j'ai vu votre mère seulement. Vous ne l'avez pas dit que... Oh, vous pensez bien, non ? Seulement, elle le savait. Comment ça ? Oh, c'est trop fort. Mais par les domestiques, évidemment. Ah, les domestiques savent donc aussi ? Les domestiques savent toujours tout, au plus tard, en même temps que leur maître. Il n'est pas rare qu'on apprenne une nouvelle par eux. Il est sans exemple qu'ils en aient appris une par nous. Oh, je suis furieuse. Maman est d'une indiscrétion, c'est assommant. Ben pourquoi riez-vous ? Non, je ris parce que je me souviens d'une époque pas bien éloignée où c'était moi que l'indiscrétion de votre mère choquait, tandis qu'elle vous laissait indifférente. À ce moment-là, il n'y avait rien à savoir. Ah, c'est-à-dire, il y avait à savoir qu'il n'y avait rien. C'est justement parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que les rôles sont intervertis. Mais ne soyez pas trop dur pour votre mère. Pauvre femme, sa joie m'a attendri. Elle en était émue. Vraiment ? Mais je vous assure, elle avait l'air ravie, mais surtout stupéfait. Et ma foi, je la comprends assez. Mais ce qui m'étonne, moi, ce n'est pas ce qui a eu lieu cette nuit, c'est au contraire ce qui n'a pas eu lieu pendant 5 mois. Enfin, j'aurais tort de me plaindre aujourd'hui. Je suis heureux, vraiment tout à fait heureux. Bien vrai. Et je ne demande qu'une chose, c'est que mon bonheur continue. Alors écoutez, j'ai une idée. Si nous partions tous les deux quelque part, voulez-vous ? Si je veux, mais où ça ? Oh, n'importe où. Tenez, nous pourrions recommencer notre voyage de noces. Seulement celui-là, ce serait le vrai, le voyage des épousailles. Gênes, Pise, Florence, Padoue, Vérone, etc. La tournée classique, le voyage de tout le monde que nous ferions comme tout le monde. N'est-ce pas que c'est une idée originale ? Mais c'est une idée géniale, ça. Quand partons-nous ? Mais tout de suite, enfin, ce soir. Oh, ça va être délicieux. Partout où j'ai dit non, je dirais oui. Oh, ma chérie. Mais bon, mais alors dites-moi, il faut que j'aille prendre les billets. Hein. Il faut. Bon, j'y cours, le temps de passer prévenir à mon bureau, de retenir les places et je reviens. Bon, à tout à l'heure, ma femme. À tout à l'heure, mon mari. Et dire qu'on aurait pu s'appeler comme ça depuis 5 mois. Oui, seulement je ne savais pas. Ah, et maintenant ? Maintenant, je commence à savoir. À tout à l'heure. Élise ! Élise, nous partons en voyage, monsieur et moi. Vous préparerez ma malle comme quand je suis partie pour l'Italie. Oh, et puis vous descendrez les chemises de linon à entre-deux de dentelle que je vous avais fait monter au 6e. Bien, madame. Tiens, c'est toi, maman? Bonjour, ma chérie. Tu sais que c'est ma seconde visite depuis ce matin. Je sais, je sais. Oh, je m'aurais l'envie de t'embrasser. Mais ton père n'a jamais voulu me laisser attendre que tu sois réveillée. Il prétendait qu'il fallait vous laisser seule. Seulement une fois de retour, j'ai pensé qu'il ne pouvait être question de discrétion quand une mère voulait embrasser sa fille un jour comme aujourd'hui. Alors, je n'ai rien dit à ton père, qui me fera une scène tout à l'heure. Et je suis sortie tout doucement, sans faire de bruit. Et me voilà. Et maintenant, dis-moi que tu ne m'en veux pas. Oh, je ne t'en veux pas. Je suis même très contente de te voir. J'allais t'écrire. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une nouvelle qui va t'être désagréable. Je sais. Comment tu sais? Ben oui, vous partez. Ah ça, mais tu sais donc toujours tout. J'ai rencontré ton mari dans l'escalier, il m'a dit qu'il allait chercher les billets. Ça n'est pas plus malin que ça. Et je trouve tout naturel que vous partiez. J'ai tout de même eu une sacrée surprise ce matin en apprenant cela. Ah, je ne te croyais pas si cachotière. Il y a encore des moments où je ne peux pas y croire. Où je me demande si vous n'aviez pas rêvé. Quand je pense qu'il y a 2 jours encore, tu paraissais si obstinément décidé à continuer le statu quo. Enfin, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Et l'important, c'est que vous soyez heureux. Je n'en demande pas plus. Mes arguments ont fini par te convaincre, peut-être? Non. Non. Alors, c'est que Georges a su être plus persuasif? Non. Ah, alors, dame... Je ne sais plus qu'imaginer, moi. Tu avais fait un vœu, non? Ou bien tu attendais un ordre d'en haut? Oui, tu ne veux pas me répondre. À ton aise. Oh. Alors, au revoir, mon enfant. Maman, ne t'en va pas. Ah. Enfin, tu te décides. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Depuis ce matin, je m'en doutais. C'est pour cela que je suis revenue. Du reste. Maintenant, je t'ai vu. Ce n'est plus un doute, c'est une certitude. Allons, confie-toi à ta maman, n'essaie pas de lui raconter d'histoire. Elle n'est pas si bête que tu le crois. Et si elle te le paraît quelquefois, c'est peut-être moins involontaire que tu t'imagines. Il ne faut pas que les mamans aient l'air trop perspicaces. Allons, parle sans avoir peur. Tu meurs d'envie de te débarrasser de ce que tu as là, qui t'étouffe, n'est-ce pas? Oh oui. Eh bien. Eh bien. Je peux pas. Voyons, ma chérie, calme-toi. Tu as été imprudente, n'est-ce pas? Oui. Très imprudente? Oui. Ah. Mareuil, n'est-ce pas? Comment? J'en étais sûre. Une mère est mieux à même que personne de deviner les secrets que sa fille dissimule à tous, parce qu'il y a bien des chances qu'elle ait dissimulé les mêmes secrets, d'une façon identique quand elle avait le même âge. Il n'y a rien d'héréditaire comme la façon de mentir. L'ami d'enfance, parbleu, mes craintes n'étaient que trop fondées. On lui fait des confidents. Oui. Ah oui, c'est comme cela que ça commence. Et puis, de confidence en confidence. Maman. Ah, je ne te fais pas de reproches, ma pauvre petite. Ce n'est pas mon rôle. Enfin, un bon jour où s'aperçoit qu'il est indispensable de se rapprocher de son mari. Maman, mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh, mais non, non, c'est pas ça. Oh, oh ma chérie, oh, je te demande pardon. Alors, Georges et toi, ce n'est pas parce qu'il le fallait? Oh, maman. Oh, oh, bon, ma pauvre enfant, crois-tu, qu'est-ce que j'allais penser là? Oh, oh, ben c'est un poids que tu m'enlèves. Mais alors, mais Mareuil, oh, je comprends plus. C'était préventif. Et oui. Oh, le... Oh, oh. Il m'avait dit que c'était une responsabilité que je ne devais pas laisser prendre à un autre qu'à mon mari. C'est un homme prudent. Alors? Alors? Oui. Ben oui, tes projets, maintenant. Ben, tu comprends bien que je ne compte plus le revoir. Oh, mais c'est fini, tu ne l'aimes plus. Si je l'aimais encore, je ne t'aurais rien raconté. Tout ça, voyons, maman. Oh, ben c'est vrai. J'y avais pas pensé. J'ai cru l'aimer parce que je ne savais pas ce que c'était qu'aimer. Maintenant que je sais... Eh bien, c'est Georges que j'aime. Depuis quand? Depuis ce matin. Oh. Oui. Alors écoute, c'est difficile à expliquer. Maintenant que je commence à aimer Georges, je voudrais qu'il sache. Hein? Oui, non, ne bondis pas. Je sais bien que je n'ai péché que par ignorance, mais tout de même j'ai un peu de remords. Non, comprends-moi, je voudrais qu'il me domine, qu'il me soit supérieur en tout. Et malgré moi, malgré que je me dise que ça n'est pas de sa faute, je ne puis m'empêcher de songer que lui, mon mari, mon maître, ignore un secret qu'un autre connaît. C'est de ça que je me sens coupable envers lui. Ne te tourmente pas, ma chérie. S'il avait pu avoir un doute, s'il m'avait interrogée, ça m'aurait fait tant de bien de tout lui dire. Mais tu es folle. Et puisqu'il n'y a rien eu de mal. Mais tu es naïve, tu sais. Alors tu croyais qu'un homme, quel qu'il fût, pouvait vous être reconnaissant d'un aveu, ma pauvre petite. Mais si tu ouvrais la bouche de tout ceci à ton mari, ou bien il ne croirait pas, et imaginerait des choses bien plus graves, ou bien il te croirait, et il n'aurait plus une seconde de répit. Mais je suis sûre qu'il me pardonnerait, il est si bon. Et tout serait terminé, oublié, on n'y penserait plus. Il te pardonnerait, peut-être. Mais quant à n'y plus penser, ne compte pas là-dessus. Vous seriez deux à être malheureux, voilà tout. Allons, allons, pas de bêtises. Et puis s'il te faut à tout prix une absolution, je te donne la mienne, ma chérie, de grand cœur. Moi, je suis pour la politique des résultats. Et du moment que nous n'avons fait que côtoyer le précipice, qu'il n'y a rien de cassé, que personne ne le sait que toi, qui est la première intéressée à te taire, moi qui suis la discrétion faite femme et l'autre, que tu ne comptes plus revoir, n'est-ce pas? Monsieur Marug est là, madame. Ah bon, ben il perd pas de temps. Oh non, non, dites que je ne suis pas là. C'est que madame ne m'avait rien dit, alors j'ai dit que madame était là. Oh non, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le recevoir, parbleu, c'est indispensable pour qu'il comprenne qu'il ne doit plus reparaître ici. Émile, vous ferez entrer quand je sonnerai. Bien, madame. Maman, si tu le recevais à ma place. Moi, mais tu n'y penses pas, ma chérie. Oh, je t'en prie. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Oh, ce que tu voudras. En tout cas, tu t'en tireras bien mieux que moi. Oh, merci, tu es gentille. Tu m'appelleras quand il sera parti. Oh, mais voyons, Germaine. Allons, bon. Oh, c'est vous, chère madame. Comme je suis heureux de vous rencontrer, il y a un temps infini que je n'ai eu le plaisir de vous voir. Oui. J'étais venu chercher mes costumes que j'ai laissés ici. Parfaitement. Est-ce que je ne pourrais pas présenter mes hommages à ma charmante commère? Non, elle ne pourra pas vous recevoir. Elle est un peu fatiguée ce matin. Ah. Ah, vraiment? Oui. François, Germaine m'a tout raconté. Comment? C'est-à-dire qu'elle m'a raconté tout ce qu'elle a compris, la chère petite. Mais moi, j'ai deviné le reste. C'est très bien ce que vous avez fait là. Mais, chère madame... Je sais. Je vous connais, moi, François. Vous êtes un garçon plein de cœur et un ami comme il y en a peu. Je vous assure... Qu'est-ce que je vous dis que j'ai deviné votre secret? Voyons, c'est assez clair. Vous avez su par Germaine la situation anormale où elle se trouvait vis-à-vis de son mari. Vous avez compris qu'elle était malheureuse, que le bonheur pour elle ne pouvait être que dans la régularisation de cette situation... Vous avez essayé de la convaincre, vous n'avez pas réussi, alors vous avez employé une supercherie. Vous lui avez montré, au-delà du fossé, un appât. Pour saisir l'appât, il fallait franchir le fossé, et vous aviez prévu qu'une fois sur l'autre rive, elle serait tout émerveillée du paysage nouveau, inconnu jusque-là, et qu'elle ne penserait plus du tout à... Ah, la chose pour laquelle elle avait sauté. Hein? Osez me dire maintenant que je n'avais pas vu clair dans votre jeu. Osez-le. Il est certain que... Évidemment. Ah. Eh bien, je la trouve très chic, votre supercherie. D'autant plus que vous vous interdisiez en la risquant de ne jamais plus revoir Germaine. Ah. Mesdames. Mais... Croyez-vous vraiment, chère madame, qu'il me soit interdit de revoir Germaine, enfin, ne fût-ce qu'une dernière fois? Comment? C'est vous qui demandez cela? Je croyais que vous l'aviez déjà compris. Mais non, pas encore. Enfin, mon cher François, que vous ayez ou non prévu ce qui arrive, c'est comme cela. Nous n'y pouvons rien. Ni l'un ni l'autre. Évidemment. Du reste, Germaine part avec son mari en voyage. Tiens? Oui. Vous n'en croyez pas un mot. Et comment, chère madame, mais croyez bien que je ne me permettrai pas de douter. Je crois au contraire que vous vous permettez. Oh, après tout, tant pis. Germaine! Viens. Oui? Germaine, voici Monsieur Mareuil, à qui je viens d'annoncer ton départ et qui tenait à te faire lui-même ses adieux. Maman, reste. Vous partez? Mais oui, en Italie. En Italie? Mais est-ce que ce n'est pas là déjà que... Oui, nous y retournons. Nous y étions allés trop tôt. Cette fois-ci, ce sera beaucoup plus agréable. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon voyage. Merci. Vous comptez rester longtemps, absent de Paris? Oui, très longtemps. Alors, adieu. C'est cela. Adieu. Chère madame. Au revoir, mon bon François. Dis donc, maman, si tu veux l'embrasser, tu sais... Mon enfant, il faut être équitable. Sans lui, nous serions beaucoup moins avancés. Oh, mais dame. Bon, eh bien maintenant, je me sauve. C'est encore moi, mon cher. Oh, oh mais rassurez-vous, je partais. Mais je ne me plains pas. Je viendrai t'embrasser ce soir, avant votre départ. Allons, au revoir, mes enfants. Au revoir, madame. Vous avez les places? J'ai les places, les sleeping, tout est arrangé. Oh, je suis ravie de partir. Ouais? Alors vous m'aimez un peu? Oh, de plus en plus. Et vous? Oh, je vous adore. C'est bien sûr, ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour vous le prouver? Voulez-vous que je me coupe un doigt, une main? Quelle horreur! Et vous m'aimez entièrement? Entièrement? Et qu'est-ce que vous appelez entièrement? Enfin, sans réfléchir, naïvement, stupidement, comme on aime quand on aime, mais, quoi. Mais je vous aime comme ça. Et vous avez confiance en moi? Est-ce que je vous aimerais sans ça? Vous me croyez incapable de mentir? Je vous crois incapable de mentir. C'est vrai? Absolument. Alors, si un jour je vous disais que, avant de vous aimer, avant d'avoir compris que je vous aimais, il s'est trouvé sur ma route un précipice dans lequel... Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi me regardez-vous avec ces yeux-là? Continuez, Germaine. Allez jusqu'au bout. Il est trop tard pour vous arrêter maintenant. Allons, voyons, achevez. Non! Non, Georges, non, c'est pas vrai! Non, c'était pour rire! Moi, j'ai voulu voir si vous me croiriez, c'était une épreuve. C'est vrai? Qu'est-ce qui m'aurait forcé à vous le dire sans cela? Promettez-moi que c'était pour rire. Je vous le promets. Vous venez d'entendre « Le Rubicon » d'Édouard Bourdet. Cette pièce avait pour interprète messieurs Jacques Toja, Georges, Bernard Déran, François Mareuil, Alain Feydeau, Jacques Sinclair, Marcel Tristany, Émile, le valet de chambre, Jean-Paul Moulineau, monsieur Sevin, Louis Arbessier, le monsieur, Raymond Acquaviva, le récitant, Philippe Rondest, le metteur en scène, Jérôme Deschamps, Fréjus, et mesdemoiselles Claude Winter, Germaine, Catherine Samy, Élise, la femme de chambre, Françoise Seigné, Madame Sevin, Paul Noël, Yvonne Sinclair, Françoise Canel, la douairière. Improvisation au piano par Alain Margoni, chef opérateur du son Robert Lavoigna, collaboration technique Mireille Gauthier, bruitage Jean-Jacques Noël, assistante de production Catherine Lemire, réalisation Jacques Régnier.